Allô? Bonjour madame. Bonjour. J'ai déposé une demande d'équivalence de diplôme et j'ai reçu la réponse hier. J'ai bien été acceptée, mais je ne sais pas quand je dois me présenter pour les inscriptions. Les inscriptions administratives se font pas au secrétariat, mademoiselle. Et je fais comment pour les inscriptions? Appelez le bureau des inscriptions. Vous êtes étrangère, c'est ça? Oui, je suis brésilienne. Ah, il faut appeler le bureau qui s'occupe des inscriptions des étudiants étrangers. Vous avez de quoi noter? Je vous donne le numéro. C'est le 01 48 67 71 03. Merci bien, je les appelle tout de suite.